Les Sud-Coréens admirent vivement les grands hommes Paektusan. L'historien Lee Hyung-gu et d'autres personnes ont souligné que la vie du président Kim Il-sung brille aujourd'hui même dans le monde comme le soleil pour la grandeur de son caractère et les exploits accomplis devant l'époque et la nation. Et d'indiquer, le président Kim Il-sung s'est donné entièrement à la réunification nationale jusqu'au dernier moment de sa vie. Le dirigeant Kim Jong-il a exaucé le désir ardent de nos compatriotes de tenir en haute estime pour toujours le président Kim Il-sung. Son exploit colossal brillera à jamais dans l'histoire de notre nation. Les médias sud-coréens ont noté. Le dirigeant suprême Kim Jong-un fait honneur à l'histoire des grands leaders qui ont aimé le peuple. Il crée sur ce sol un monde paradisiaque caractérisé par le privilège, le respect et l'amour du peuple. Il est le grand homme politique qui a transformé le Nord en objet de l'admiration mondiale, État socialiste dont le maître et les masses populaires et puissance invincible.